Voilà, ben, un très grand merci à Edmond Balaelanga et à Thierry Maire pour ces deux exposés particulièrement stimulants, très, très riches. Et alors là, le premier défi, ça va être le temps, parce qu'en principe, je crois qu'on devait s'arrêter à écart, mais je voudrais d'abord savoir jusqu'à la demi. Donc je vais faire court, hein, je ne vais pas vous infliger un troisième exposé, surtout en fin d'après-midi du deuxième jour de ce colloque passionnant. Je pointerai simplement quelques points saillants de ces deux textes, sans les reprendre un par un pour gagner du temps. Et puis peut-être quelques pistes aussi à creuser qui peuvent éventuellement être reformulées en termes de questions. Alors un premier point qui me paraît saillant dans ces deux textes, hein, c'est un refus très ferme d'essentialisation. Hein, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une essence du pentecôtisme ou du néo-pentecôtisme, pas plus d'ailleurs qu'il y aurait une essence de la spiritualité africaine qui serait nécessairement émotionnelle. Donc là, on a vraiment un travail de déconstruction très, très riche, et puis mise en question aussi du déterminisme social. On a bien compris que ces églises évangéliques ne ciblent pas nécessairement une seule catégorie de la population, et également elles n'émanent pas d'un seul groupe social, puisqu'on les repère dans toutes les catégories sociales des pays étudiés. Ça, c'est le deuxième point qui me paraît intéressant. Et puis, il y a aussi la question des frontières terminologiques, hein, dans les deux exposés de manière différente, mais on voit bien qu'on est quand même un petit peu en difficulté parfois devant des termes comme évangélique, pentecôtiste, néo-pentecôtiste. On a eu un schéma tout à fait fascinant, extraordinaire. J'aimerais bien avoir la copie d'ailleurs. Sans problème. On voit cette sorte de bouillabaisse de termes là, hein, qui correspond bien au terrain évangélique dont il est question. C'est très compliqué. Et là, on sent qu'il y a des enjeux théoriques à poursuivre. Mmh. Et ces deux textes nous invitent, je crois, l'un comme l'autre, à développer un répertoire postcolonial des christianismes contemporains, à partir en particulier des christianismes des Suds, parce qu'on sent bien que ces termes que nous avons forgés dans la perspective de l'histoire du christianisme européen atteignent un petit peu là leur limite. Bon, j'ai trouvé aussi l'articulation terrain-théorie dans les deux exposés tout à fait pertinente, même si évidemment dans le cadre de 20 minutes on met peut-être davantage l'accent sur les pépites, les apports théoriques que sur le terrain, mais dans les deux cas on sentait bien le terrain présent, et c'est particulièrement fondamental quand il s'agit d'étudier un milieu religieux qui est extrêmement pulvérulent, divers. L'étiquette ne renseigne jamais véritablement sur le contenu qu'on peut observer localement dans telle ou telle assemblée, donc il faut vraiment beaucoup de terrain avant de pouvoir éventuellement monter en généralité. Et dans les deux exposés qui nous ont été présentés, on a vraiment été très bien servi de ce point de vue. Alors quelques pistes très brièvement à creuser. Alors d'abord, évidemment, la grande question, c'est le religieux miroir du social, jusqu'où? On a bien compris que ni au Cameroun, ni au Guatemala, le pentecôtisme ou le néo-pentecôtisme ne s'adresse qu'aux milieux les plus défavorisés, hein, aux classes sociales dominées. On a bien compris que dans les deux cas, il y a également un public de classe moyenne, de classe moyenne supérieure. Mais à partir de là, du point de vue de l'historien, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est simplement devant des stratégies, je dirais, de marché de niche qui diffèrent suivant les dénominations, ou est-ce que finalement on n'est pas aussi, quand on regarde la diachronie, dans des profils d'ascension sociale lente, c'est-à-dire que le même chercheur qui va étudier la même assemblée à 30 ans d'écart, à la fin des années 80, il sera confronté à une assemblée, disons, de catégorie sociale plutôt dominée. Et puis 30 ans après, dans la même type d'assemblée, on observe des phénomènes d'ascension sociale. Alors quand on dit ça, évidemment, on a tout de suite cette inquiétude de se dire « mais oui, mais ça c'est précisément le fonds de commerce de ces pasteurs. Hein. Ils vantent en permanence, et ça nous a été indiqué au sujet du Cameroun, ils vantent en permanence l'efficacité de leur offre religieuse par rapport à des concurrents religieux accusés de maintenir le statu quo social, d'encourager le fatalisme. Et là, avec le pentecôtisme ou le néo-pentecôtisme, on aurait donc une sorte de formule magique qui permet en 30 ans de transformer des ouvriers en businessmen, successful businessmen. » Bon, alors, évidemment, il ne faut pas se contenter de ratifier simplement le discours des acteurs eux-mêmes. Il n'empêche que la question se pose, et je pense notamment à un travail qui avait été fait il y a quelques années par Jean-Paul Vielme et Laura Mieux-de-Suchet au sujet de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, où il montrait justement qu'il y avait quand même dans les familles, à quelques années d'écart, il y avait dans certains cas des profils d'ascension sociale, un schéma qu'on pourrait qualifier de néo-weberien, finalement, c'est-à-dire qu'avec la reconfiguration de l'expérience personnelle, hein, suite à la conversion, une nouvelle discipline, une nouvelle discipline ascétique, un nouveau rapport au travail, à l'épargne, sur une génération, on peut dans une même église observer des phénomènes de l'ascension sociale. Donc ça c'est voilà une grande question qui reste ouverte et qu'évidemment on ne peut pas trancher. Je pense que c'est vraiment très variable suivant les contextes étudiés, mais c'est une question absolument majeure, hein, la question de l'ascension sociale. Puis finalement, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que le pentecôtisme, c'est encore ce que Marx qualifiait de d'opium du peuple, c'est-à-dire une religion qui est d'abord là pour tranquilliser des individus martyrisés par le néolibéralisme, en gros, hein? Donc l'opium du peuple, hein, c'est dans ce sens-là que Marx parlait d'opium, c'était pas du tout péjoratif dans son esprit, mais c'était pour dire l'opium, ça aide à supporter la souffrance, finalement. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le pentecôtisme et le néo-pentecôtisme étudié aussi bien au Cameroun qu'au Guatemala, c'est plutôt la coque du peuple aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pas l'opium qui endort la douleur, mais c'est un autre type de drogue, la drogue du yuppie, la drogue du CAC 40, la drogue du journaliste qui fait ses 80 heures par semaine sur les plateaux télé. Hein, on va pas vous faire un dessin, mais voilà, c'est un autre type de stimulant ou bref. Question ouverte. Et pardonnez-moi son caractère un petit peu cavalier peut-être, mais c'est la fin de la deuxième journée, il faut se réveiller. Rester réveillé, en tout cas. Alors, deuxième piste à creuser, c'est évidemment l'enjeu des lectures du pentecôtisme et du néo-pentecôtisme au prisme des études postcoloniales. Et sortir peut-être un petit peu plus que nous ne le faisons encore aujourd'hui, d'un certain nombre d'habitudes, notamment tourner les regards vers les États-Unis, tourner vers les regards vers l'histoire, des théologies protestantes, évangéliques aux États-Unis. Alors évidemment, c'est très important de le faire et c'est très précieux et j'ai beaucoup apprécié ce qui vient d'être dit au sujet de cette histoire aux États-Unis, hein, du Health and Wealth Gospel, qui est évidemment fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En même temps, il existe au moins depuis un demi-siècle un certain nombre de répertoires théologiques, de spiritualité, produits par des théologiens de Singapour, des théologiens chinois, des théologiens latinos, et ça a été dit aussi à l'instant, si ça marche, c'est aussi que les latinos aujourd'hui reprennent ces répertoires éventuellement au départ nord-américains, et les réencodent. Donc il y a toute cette question, hein, d'une lecture postcoloniale et de sortir aussi d'une lecture nord-sud des influences théologiques et regarder d'un peu plus près les dynamiques sud-sud. Et puis penser aussi un petit peu à la manière du fondateur du Kenya qui disait « les chrétiens sont arrivés, les chrétiens européens sont arrivés, catholiques, protestants, ils ont enseigné aux Africains à prier et pendant que les Africains apprenaient à prier les yeux fermés, les Européens ont pris les terres ». Et après la décolonisation, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard si les christianismes endogènes aujourd'hui à la fois d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest mettent l'accent sur la prospérité ici et maintenant. Parce que tout de même, pendant de nombreuses années, les perspectives de salut qui étaient présentées par les missionnaires européens, les missionnaires américains, c'était essentiellement des perspectives de salut extramondains. Pendant que les multinationales occidentales s'en donnaient à cœur joie pour piller les ressources, excusez-moi, je suis un peu caricatural, mais se servir. Suite aux décolonisations, nous avons aujourd'hui sous nos yeux un christianisme extraordinairement riche et varié qui met l'accent sur le salut intramondain, sur les bénéfices ici et maintenant de la foi. Il ne s'agit pas de reporter les récompenses après la mort, il s'agit de valider l'offre de salut ici et maintenant par des résultats tangibles. Et je crois qu'on doit intégrer la lecture postcoloniale dans la compréhension de ces phénomènes et ne pas se limiter, si vous voulez, à un pentecôtisme néo-pentecôtiste qui serait simplement une forme d'accompagnement du néolibéralisme. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc ça, c'est peut-être un axe à creuser un peu plus loin. Et puis, bien sûr, mais ça a été mentionné aussi lors du dernier exposé, il y a probablement pas une théologie de la prospérité, mais de nombreux répertoires. Il y a le répertoire parole de foi, notamment, qui met l'accent sur la dimension performative de l'énoncé religieux. Il y a toutes les dimensions oraculaires aussi, qui peuvent être très importantes dans certaines traditions, avec un impact également intramondain. Les expériences à dimension prophétique, avec ce que Jean Segui décrirait comme les dynamiques utopiques, avec cette tension entre le pas encore et puis le déjà là, et puis une mise en mouvement militante dans l'assemblée et dans la discipline personnelle autour de cette tension utopique. Et puis bien sûr, il y a aussi les répertoires du combat spirituel qui sont encore des répertoires distincts, avec notamment tout un jeu de rites à caractère plus ou moins apotropaïque, hein, qui éloigne le malin, qui éloigne le mal et qui garantissent la réussite entrepreneuriale de l'individu. Également des répertoires plus axés sur le corps, sur l'épanouissement du corps. Il y aurait tout un travail aussi à construire autour de la sexualité, je crois, dans ces nouveaux christianismes. Avec là aussi des écarts tout à fait importants par rapport aux traditions pentecôtistes évangéliques européennes ou nord-américaines. Bref, on comprend que derrière cette théologie de la prospérité, il y a probablement là beaucoup plus de nuances et de typologies à construire. Mais nos auteurs, l'un comme l'autre, cet après-midi, nous y ont invités par leur souci, encore une fois, de ne jamais tomber dans l'essentialisation. Et en montrant que le terrain, plus d'une fois, a démenti quelques hypothèses théoriques de départ. Donc voilà, si vous voulez, quelques pistes. Je crois qu'à l'intérieur de ces axes de réflexion, il y a également quelques questions sous-jacentes. Donc le plus simple, c'est peut-être maintenant que je laisse la parole à l'un et l'autre, si vous souhaitez la prendre, et puis sans plus tarder ensuite, nous laisserons le micro à qui veut le prendre pour des questions complémentaires avant de laisser à Pierre Lassalle le soin de conclure ce colloque. Merci à vous.